Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, ça critique les foules, effectivement. Je suis parmi toi, Crowd. Je te check et je file le spectacle avec toi. Mais cette semaine, non, j'ai pas vu de show, mais je crois que la vie est remplie d'anecdotes extraordinaires et je me dirais plutôt spectaculaires. D'où la raison qu'il n'y aura pas en tant que tel de spectacle critiqué cette semaine. Mais... Presque. C'est un spécial que j'ai décidé d'appeler spécial Z, puisque je fais un retour assez inattendu sur le show de Zen Bambou. Ouais, je le sais, c'était le 2 mars dernier et je t'en ai déjà chassé. J'étais passé un 10 minutes là-dessus. comment un leader sur scène d'un groupe peut avoir un impact sur comment on agit en tant que crowd. Et ce sera bien à suivre comme anecdote. Et sinon, spécial Z, puisque je vais te parler de Zumba. Et oui, le rapport à soi, son corps et celui des autres dans l'espace du gym. Ça... Je suis vraiment heureuse de vous partager des anecdotes de Zumba. C'est à suivre, parce que c'est un gros spécial que je vous prépare, genre depuis le mois de janvier. Ça paraît pas, hein, dit de même. Alors, il y aura de l'anecdote à peu près. Sur ce, ben écoute, pour jaser de Zen Bambou, il faut que je remonte à une anecdote qui date de la semaine dernière à Rocket, un vendredi soir, et qui est le DJ à la Rocket le vendredi soir, les amis? Ben oui, c'est Mathieu Beauséjour. Et j'ai décidé de passer pour lui rendre hommage à un groupe qu'il aime beaucoup, les Tératologues. Alors, on s'en va écouter Talk Show. Il est resté d'alcool. Panique chez les pétards, il est déjà trop tard. Doublé de plaisir dans tes oreilles. Ben oui, t'as entendu Les Secrétaires Volantes et la chanson 11h-5, Panique dans la ville de l'album Méconium. Ah, comme j'aime vous en passer, toujours, toujours tout plein de Secrétaires Volantes. Et vous avez aussi entendu Les Tératologues, chanson qui se retrouve entre autres sur la belle compilation Lâche et Lousse 2. Et oui, vous avez entendu la chanson Talk Show et vous écoutez Critique de Crowd qui, il en passe-tu des fois, Mathieu, t'en passes-tu des fois de... Les Secrétaires Volantes, le vendredi soir à la Roquette. Je saurais dire, mais c'est une soirée tout en rock où les rockeurs se réunissent pour danser, se dandiner. Oh, et très peu trashé, quoique, justement, vendredi, il y a deux semaines, il me semble qu'il y a toujours une toune un peu trop élevée qui pousse à pousser là, un camarade. En tout cas, moi, c'est... Oui, viscéralement, j'ai juste envie de me garrocher et je suis rarement la seule. Reste que ça reste un bar, ça reste une piste de danse et c'est parfois, peu apprécié si t'as pas envie de devenir ami avec le gardien de sécurité ou plutôt devenir son pire ennemi parce qu'il est comme « calme-toi, fille, calme-toi ». Alors, pendant que j'étais en train de pas trasher la roquette un vendredi soir, qui c'est que je croise? Ce visage me dit quelque chose. Il a un air de chérubin, je l'ai vu. On s'est même adressé la parole. La seule distance, c'est que moi, j'étais dans la foule et lui, il était sur scène. Et là, ce n'est plus le cas. Oh, pour tous ceux qui écoutent souvent Critique de Crowd. Et oui, je fais référence à des épisodes ou les épisodes précédents de Critique de Crowd. Ou au spectacle de Zen Bambou le 2 mars dernier au Divan Orange. Hélas, déjà, feu Divan Orange. Le chanteur de Zen Bambou arrête notre trash. Il y avait quelques garçons qui avaient envie de s'énerver. Je les pousse pour que ça puisse avoir le plaisir qu'il doit y avoir dans un spectacle. Et durant la chanson, carrément, il dit, dans ses mots à lui, de cesser. Du moins, c'est le message que nous, on comprend en tant que crowd. Je me souviens très bien parce qu'on est un petit peu surpris puis on a arrêté. Et là, c'est un moment que, bon oui, pour tous ceux qui écoutent ces ISM et Critiques de Crowd à chaque semaine, ouais, j'en ai parlé comme pendant 15 minutes, là. Puis tu vois, j'ai déjà tantôt, j'ai dit 10. Fait que tu vois, ça va finir en une demi-heure. Fait que ça m'avait beaucoup... Oui, ça m'a beaucoup marqué pour le rapport entre le groupe et le public. Et là, il était dans ma face. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu Seigneur, faut absolument que j'aille dire. Je veux dire, j'ai passé 10 minutes à parler de lui et je n'ai pas son opinion. Pour une fois, j'y avais accès. Alors là, je l'ai agrippé, mais de façon tout à fait polie. Là, mais j'étais comme, hey, tu m'as déjà dit de pas trasher la semaine dernière, toi, dans la vie. Et... À ma grande surprise, de toutes mes analyses que je vous ai offertes, ben, il m'a donné comme le seul angle que je n'ai pas abordé. Il m'a répondu, mais vous auriez dû m'envoyer. Et là, il a utilisé un terme injurieux qui commence par ch puis finit par yay. Fait qu'il nous a dit de l'envoyer promener. Ah oui, ah oui. Je crois que... Est-ce que j'ai trop mis l'accent sur une certaine forme d'autorité que peut avoir le musicien, le chanteur durant un spectacle? Parce que oui, on l'écoute. Tu sais, de façon générale, tu me dis « clap des mains, je clap des mains ». Tu me dis « dirie, je fais yé ». Disons que c'est très établi comme forme de rapport entre le groupe et la foule. Mis à part peut-être avec... Des groupes punk? Ouais, et même là, tu sais, je veux dire, j'ai envie de reculer, je vous en ai parlé plus tôt cet hiver, entre autres de l'anecdote dans le documentaire Montréal Punk où The Normals, ils racontent qu'un de leurs spectacles les plus j'allais dire chaotique ou cauchemardesque, mais le plus, le plus marquant, ben, les gens leur garochaient du lait au chocolat pour les envoyer promener. Fait que c'est sûr que j'ai plus l'impression que c'est une question de différence de code. Dans le sens où ils vont pas applaudir pour les remercier de leur bonne musique. Il fallait une réponse inattendue et, parfois vulgaire, parfois violente pour les remercier. C'est juste le code qui n'est pas le même que d'habitude, mais ça reste quand même une forme de remerciement. Hey, j'étais pas là à l'époque, peut-être qu'il voulait juste vraiment envoyer promener, mais en même temps, tu restes devant le groupe puis tu l'écoutes. Il y a quand même un signe que t'apprécies la chose, sinon tu t'en irais. Fait que je me suis dit, ah ouais, quand même, Zen Bambou, ils ont Age Punk plus fort qu'on pourrait le croire, surtout que c'est une des premières fois ce qu'ils nous avaient dit en spectacle. Fait que c'est dur de le savoir exactement, d'autant plus que c'était la première fois que je les voyais en show. Et au fond de moi, c'est drôle, mais la première réaction que j'ai eue quand il m'a dit que ce qu'on aurait dû faire en tant que public et en tant que thrasher, c'était de les envoyer promener, ça m'a rappelé, tu sais, les histoires de couple. Tu sais, ces histoires qui se terminent mal. Il y en a un qui dit « Je pars, je te quitte! » Et que des mois plus tard, tu apprends que cette dite personne aurait peut-être voulu juste que son partenaire la retienne. Je trouve ça drôle parce que c'est comme... Tu dis quelque chose et tu espères l'effet escompté et tu espères surtout que la personne comprenne ton inversion. Ce qui peut amener, oui, à beaucoup de candeur puis à vouloir prendre tout au premier degré, mais aussi parce que là, tu sais, la espèce de distinction de absolument, faut le prendre au deuxième degré, soit faut que ça soit précis, faut se connaître, pour moi, ou genre juste, tu cherches plein de drama dans ta vie, là, mais ça, c'est un autre cas. Mais ouais, pour moi, ça c'était bien des choses. Mais la seule chose qui me reste encore surprenante cette soirée-là, c'est que oui, on a eu comme une discussion unique parce que c'est rare, tu sais, depuis l'histoire de Critique de Crowd que je peux autant rapporter le fait que j'ai pu compter sur les ondes et avoir le dialogue avec l'artiste et avoir son point de vue. Alors là-dessus, j'étais contente. Mais pour toutes les fois, justement, que là, on aurait dû trasher la roquette parce que ça aurait été bien dadon avec la discussion qu'on avait. Mais on est resté tranquille. Et il y a des choses qui se passent moins des fois un vendredi soir. Sur ce, ben, à roquette, ben oui, il y a toujours, un moment donné dans la soirée, un bloc New Wave. Alors, allons-y gaiement avec Rational Youth. Mirage de feu. Oh, pour rendre hommage à toute la musique qui passe un vendredi soir à la Roquette. Oui, j'aurais pu mettre Devo ou Man With A Hat, mais cette fois-ci, ce sera Rational Youth et la chanson, Cité Phosphore. Et en même temps, on peut saluer Zoé Prota. Et on va bien la revoir un jour dans son émission, tout en spécial New Wave, Cold Wave, qui passe sur les ondes de CISM. Sur ce, écoute, là où je pense que dans la vie, l'anecdote se termine, la vie est beaucoup plus spectaculaire qu'on le croit et boum! Il y a des surprises, et j'allais dire des surprises inattendues, et j'espère qu'elles sont inattendues car c'est des surprises. Alors, souvent, à Critique de Crowd, je dévie de mon propre concept qui est de critiquer les foules, oui, pour porter différentes observations, mais aussi pour parler de moi, parce que en tant que spectatrice, en tant que spectatrice, c'est j'ai mon vécu, puis je suis une personne humaine qui fait des affaires dans la vie, entre autres de prendre des cours de littérature africaine. Ben oui, depuis le mois de janvier, je fais ça dans la vie, parce que je trouve que c'est important de sortir de notre zone de confort. Pourquoi, tu sais, prendre littérature québécoise quand je peux prendre littérature africaine? Et en même temps, c'est du chantier, des chantiers battus et des sortir de sa zone de confort. Mettons que j'ai pas pris non plus un cours de chimie, là, tu sais. Disons, on est dans le semi-confort, là, quand même. Reste que je suis là dans mon cours et on parle d'une si longue lettre de Mariam Abba. Je me revire pour écouter le commentaire d'une étudiante et qui je vois en diagonale de cette dite femme. Je vois le chanteur de Zen Bamboo. Là, je suis comme « What? » dans ma tête, parce que je suis calme, là, tu sais, je suis dans la classe. Puis je me dis « Mais voyons donc! » Voir qu'il a fallu que je m'ostine avec à Roquette à cause qu'il m'a dit de pas trasher deux semaines avant pour que je leur spot dans la classe. Tu sais, depuis le mois de janvier, moi, je vivais... Ah, ben, en méconnaissance de cause. Je remarquais pas du tout. Parce que, voyez-vous, mes chers musiciens, j'aime beaucoup votre musique, mais votre face m'indiffère un peu. Autant sur votre pochette d'album, plus souvent en spectacle, c'est vrai que là, je vais plus te remarquer, encore plus quand tu me dis de pas trasher. Et là, tous les liens se sont faits. J'ai trouvé la vie petite, tu sais, le monde est petit, mais la vie fait en sorte que... que, ouais, il y a des rencontres qui se font de façon tout à fait... étrangement. Reste que la conversation s'est repoursuivie sur notre grand débat sur le rapport entre un groupe et la foule, puisqu'il avait... Il avait une meilleure mémoire que moi. Fait que la véritable phrase qu'il avait dit au spectacle, au Divan Orange, c'était « Est-ce vraiment nécessaire toute cette violence? » Et selon lui, parce que là, moi, je peux regarder la retracer, et non, je n'ai pas écouté le film Mission Cléopâtre au complet, ce serait un référent au film. Ah! Ben oui, tout s'explique. Et pour moi, ça amène comme, oui, deux types d'analyses pour le spectacle. Tu sais, ça pourrait être une analyse très précise qu'on dirait synchronique ou diachronique. Le synchronique, ça veut dire que je me base comme juste sur le petit moment où on a dit d'arrêter de trasher, ou je pourrais prendre la globalité du spectacle ou même la globalité de leur carrière puis de voir comment ils réagissent avec leur foule. Le seul problème dans cette histoire-là, bon, ben, c'est que dans un point de vue chronologique, étant donné que c'est la première réaction et la première interaction qu'il y a eu, je trouve ça tout à fait normal qu'il y ait cette ambiguïté-là et que c'est peut-être pas encore établi l'humour. Et on a justement discuté de l'aspect humoristique. Si c'est drôle, est-ce qu'il faut nécessairement rire? Et si Critique de Crowd rit dans ta foule, est-ce que c'est vraiment drôle? Parce que oui, comme tu peux constater, je suis un très bon public pour moi-même. Après ça, ouais, ça peut arriver aussi que je ris aussi pour les autres, là, mais des fois, je peux aussi rire à des moments qui ne fitent pas, tels que être surpris du fait qu'il ne faut plus trasher. Mais je trouve ça intéressant parce que l'aspect humoristique, je crois que c'est un des aspects peut-être les plus difficiles à cerner quand t'es pas un groupe typiquement humoristique. Oui, il y a comme une saveur particulière dans leurs paroles, et même, je retournais sur leur Bandcamp ce matin, puis leurs tout premiers albums, premier EP, ils sont pas disponibles, c'est comme un fond sonore pour ne pas mettre leur MP3 puis dire si vous voulez vraiment le lien, vous avez juste à nous écrire, là, mais il aurait pu tout simplement l'effacer des interwebs, puis on l'aurait complètement oublié. C'est vrai qu'il y a une place à l'humour, mais comme de là à dire genre non, est-ce que je peux trouver que c'est surtout une certaine façon d'aborder la communication avec le public, un peu décalé. C'était ça aussi tout le long. C'est pour ça que je pourrais analyser de façon globale aussi le spectacle, puisque par la suite, il y a eu comme de la jasette sur la protection des animaux, les petits animaux cute, et sa commotion cérébrale qui fait en sorte qu'il y a pas, il risque de lâcher son emploi, et comme c'est difficile, la vie d'adulte et les choix plates. Et il y avait encore une fois cette saveur un peu décalée, bon enfant, mais candide. Puis en même, ouais, c'est ça, tu sais. Il y avait un ton très authentique. Alors la nuance entre je fais volontairement une blague et c'est juste un ton global, ça pourrait être encore à interpréter. Mais chose est certaine, c'est que je ne pourrais plus jamais ne pas faire la distinction pour les prochains spectacles que je vais voir de Zen Bamboo. Pour tous les autres groupes, ben là, écoute, on ne pourra pas toujours avoir une jasette aussi longue que ça. Là. Je nous le souhaite. Et c'est là aussi que ça ramène, c'est quoi le rapport entre les groupes et leurs fans, leurs auditeurs, en dehors du cadre du spectacle. T'sais, avec les réseaux sociaux, à cette heure, c'est facile qu'on se communique, puis on peut connaître encore plus le de la personne en discutant sur Facebook, par exemple. Mais en même temps, c'est pas obligatoire. T'sais. Tu peux juste triper sa musique puis avoir aucune conscience de l'enrobage de l'artiste. Mais, chose est sûre, au prochain spectacle de Zen Bamboo, non, je ne me gênerai pas pour sortir mes doigts d'honneur. Alors... pour pouvoir, oui, surtout pour approuver mon pit, mais que je sois seul ou non, certainement, je vais te lâcher. Et on en parle, je crois que c'est le moment d'en passer, Zen Bamboo, sur les ondes de CISM. Soudain, ça me frappe. Je suis né sans trop y réfléchir, mon cas de mon père. Sans peser, le corps et le compte. Pas un seul souvenir de vie. Dans le crâne du bébé, on m'a pas prévenu. Où sont mes explications? Mes piles de drogue, mes puits de bonne conscience. Soudain ça me frappe. Prenez dans la tombe et toi tu tombes bien. Viens te nicher dans mon intérieur. Taillé du bonheur, à même les plaies de mon sourire. À quoi ça servait, lancé au-dessus de mes mains rouges, comme quoi tout irait mal. À quoi ça rimait, tous ces beaux moments de bête et d'animal. Fini la faute, fini l'ange, qui annonce la bonne nouvelle en garde toutes les mauvaises. Mais c'est quoi je ferais, mais à quoi je jouerais si j'avais. Berge large, généreuse, berge gorgée de sang rouge, du sang jette, génération d'arbre rouge, fruit rouge aussi, délicieux. J'invente rien, je te jure qu'au mieux de mes capacités, je te dis ce qui me passe par la fenêtre. Est-ce que la main des plats, pourquoi vivre avec toi? C'est la brûlure dans les entrailles, un cadeau, puis je n'y attendais pas. Mais le bonheur qui coule, ta bouche est un pansement sur mon sourire. À quoi ça servait, lancer au-dessus de mes mains rouges, comme quoi tout irait mal. À quoi ça rimait, tous ces beaux moments de bête et d'animal. Et si elle cognait. J'espérais, je priais qu'elle traverse jamais la mer. On bouffera même et plein. J'étais Amateur de Zen Bamboo, es-tu aussi de Malajube et vice-versa? En tout cas, ça sonne bien ensemble. Vous avez entendu Dragon de glace sur l'album Labyrinthe de Malajube et Gourou de Zen Bamboo sur leur album Volume 2. Plus mature, plus assumé. Après les publicités, oh, je te révèle toute ma grande passion pour le Zumba, mais pas sur l'angle que tu peux croire. Après les publicités, oui, oui, plein de magie. À tout de suite. M1425, propulsé par Commotion, agitateur de culture, en collaboration avec Desjardins, présente Philippe Braque à Laval. Ne manque pas ta chance de voir le toujours surprenant fou Braque de la chanson dans l'intimité de l'annexe 3. L'instant d'un soir où tout peut arriver, il nous présentera son tout nouvel album acclamé par la critique, Le silence des troupeaux. Le calme a pris la place du froid. Philippe Braque, le 12 avril, en spectacle à l'Annexe 3, sur les mêmes lieux que la salle André-Mathieu, située à deux pas du métro Montmorency. Réserve tes billets via co-motion.ca dès maintenant. CISM vous invite à la 8e édition de la cabane Palache et Boiron à Verdun. Au menu du plus gros party de bois en ville, des gros bûcherons, une fermette, la tire, du fendage de bois, une programmation musicale de feu, la bouffe de rue style cabane et des alpagas. Après un week-end sur leur camp bûcheron, le vieil adage Verdun, c'est bien loin! Va passer dans le tordeur. Palache et Boiron du 22 au 25 mars à Verdun. Garantie le soin. Okay. Fanny Bloom présente Liqueur, son troisième album. Un frais nectar aux ingrédients sucrés concocté aux côtés de Toquinoise. Disponible en ligne et en magasin dès maintenant. Pour connaître les dates de spectacle, visitez le fannybloom.com. Liqueur en vente dès maintenant. Yeah. 5-14-25, propulsé par Commotion, agitateur de culture, en collaboration avec Desjardins, présente Rhymes et Larry Kidd à Laval. Viens vivre une soirée en compagnie de deux étoiles du rap québécois. Rhymes, véritable bête de scène, présentera son deuxième album acclamé par la critique Petit Prince, alors que Larry Kidd, anciennement de Lord Larry Adjust, interprétera les chansons issues de son tout dernier album sorti en février 2018, Control V2. Rhymes et Larry Kidd le 14 avril en spectacle à l'Annexe 3, situé à deux pas du métro Montmorency. Réserve tes billets via co-motion.ca de maintenant. Cette semaine, au Quai des Brumes, nos spectacles sont... Lundi 19 mars, série Compositeur Jazz. Mardi 20 mars, Van Hoo, en résidence au Quai. Le mercredi 21 mars, le Cabaret des Chiens Fous. Jeudi 22 mars, en 5 à 7, Christiane Charbonneau en solo. Et en soirée, Gab Bouchard, Max Auguste et Alex Larouche. Le vendredi 23 mars, Charogne, Capitaine Salo et Bats in the Belfry. Samedi 24 mars, Analogue Addiction présente, You Do Right, Look Sacré et Blessings. Le dimanche 25 mars, Déplogue présente, La Famille D. Quai des Brumes, coin Montréal et Saint-Denis. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. Vous écoutez CISM 89.3 FM. prévu que deux soirées de préliminaires pour les Francouvertes où il y aura entre autres Laura Babin, sûrement qu'elle va jouer Water Buffalo. J'aime beaucoup cette chanson. Et oui, sûrement que vous aussi, vous l'aimez beaucoup parce qu'on la passe souvent à CISM. Et oui, tu écoutes aussi Critique de Crowd avec Jolene. Et les Francouvertes, ben, il n'y aura pas juste Laura Babin. Hein? Ben, je ne peux pas toutes les passer non plus. Il va y avoir Billy Love Ben et Anthony Roussel. Et une autre soirée bien remplie. Et c'est aussi pour me rappeler que les Francouvertes, ce n'est pas terminé du tout, du tout. Et c'est au cabaret Lion d'Or les lundis. Et j'ai tout plein d'autres suggestions de spectacles pour toi, Crowd. Dont ce soir, c'est Nils Fram au théâtre MTLUS. Et sinon, il y a un beau lancement d'album. C'est Rosenberg avec Bolduc, Tout Croche et Fantôme. Ça se passe à l'ESCO vendredi au... J'espère que tu as tes billets pour Loud qui va être avec David Lee et Zach Zoya au Club Soda parce que c'est complet, c'est complet. Mais le rappeur en toi sera satisfait de savoir que Young Pitch, il va jouer au National. Fac, t'as quand même plein de possibilités vendredi. Samedi, ça c'est encore une note pour moi-même. En plein après-midi, va au théâtre et va voir Philadelphia High School. Oui, moi je vais y être, puis c'est au frais de Barry. Je vais y être assez, c'est tranquille. Là. Mais peut-être une critique de Crowd de théâtre. Et sinon, samedi plus tard dans la soirée, il y a Golfer au Casa del Popolo. Et sinon, c'est Ilam. Aïe, avec Rhythm Wise! Ah, pour tous ceux qui sont nostalgiques de cette merveilleuse émission qui a eu lieu des années à CISM. Ben, va dire bonjour à Sébastien, ça se passe au Club Soda. Dimanche, c'est une belle soirée qui commence de bonne heure parce que c'est Rock'n'Roll et Pasta avec les Envahisseurs et les Technicolor Blood, c'est Alesco et le Métalleux en toi. Peut-être va préférer par la suite continuer sa soirée avec Heist Hurt, ça se passe au Théâtre Corona. Et aïe, trop de soirées, puis c'est un dimanche quand même, mais... Certes que je suis toujours pas allée, mais le Guest House, il va avoir Marée Noire, que j'aime beaucoup vous passer sur les ondes de CISM, mais jamais assez souvent, mais allez-y. Et sinon, lundi, on va continuer dans le bon bruit, puisque Banal vont être en show au Barfly. Mardi, encore du bon bruit lourd. Primitive Man au Ritz PDB. Et si tu as envie de danser, peut-être que je vais faire une critique de crowd. C'est à suivre pour Bad Bad Not Good au MTLUS. Et finalement, belle soirée hardcore en vue mercredi avec Knock Loose. Avec Terror, Jesus, Peace et Stone au Théâtre Fairmount. Par contre, la salle, il me semble que j'ai des doutes pour le mosh pit au Théâtre Fairmount. Ah! Trop d'escaliers, trop moyen de se bûcher avant même d'atteindre le pit. Je prévois le pire, mais je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ramenez-moi vos critiques de crowd. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires et vos perceptions de la foule. Sur ce, on va continuer en musique avec le palmarès francophone de CISM. Si tu n'as pas vu leur vidéoclip, vas-y gaiement, mais fais attention à tes yeux. C'est Octoplot et leur chanson Le Calme, puis vote sur leur album Le Démon Normal. Je me sens pas brisé à venez d'entendre Hinin et la chanson Foot Park qui se retrouve sur leur album Noyé, 18e position du palmarès francophone de CISM et quasiment son voisin en 16e, Le Calme Pivote d'Octoplot sur leur album Le Démon Normal et pour toutes plein d'autres belles chansons qui sont bien, bien choisies dans le palmarès, ben CISM 893.ca, c'est une belle occasion de les découvrir. L'application, mille et une façons. Ah, puis le palmarès, je le mentionne jamais, mais le palmarès à 6h le soir, une autre occasion, parce une belle sélection des animateurs de la marge. Sinon, tu écoutes toujours Critique de Crowd qui t'a dit spécial Z. Oui, pour Zen Bambou. Mais aussi... Aïe. J'étais mentionné parmi mes suggestions de spectacles les francs couvertes. Et oui, c'est un long concours, un long événement. Donc, il y en a à chaque semaine, à chaque les lundis. Et lundi qui vient de passer, je n'étais pas... Je n'étais pas aux francs couvertes et tu vois, je le vis encore douloureusement parce que Crabbe a fait un trash sur scène et ma passion pour le poussoyage de gens et des moments uniques et incroyables qui ne se repasseront pas parce que c'est ça, aller voir un spectacle, tu peux voir le même groupe un million de fois, ce sera jamais le même show et il ne reviendra jamais ce spectacle vu qu'il est dans le passé. Alors... Je me sens... Tu sais, je vais voir des shows comme à quasiment chaque semaine pour Critique de Crowd et des fois plus qu'une fois par semaine. Fait que j'essaie de, tu sais, prendre ça un peu calmement. Tu sais, les groupes reviennent en ville quand ils viennent de l'extérieur ou il y a mille et une occasions. Déjà, je peux pas me diviser. Fait que des fois, je peux même pas voir tous les spectacles qui m'intéressent parce qu'on le même soir. Fait que je le vis avec un certain relativisme. Mais cette fois-ci, j'étais triste. J'étais choquée d'avoir manqué ce moment magique. Complètement. Tu vois, chacun est motif. J'ai jamais pleuré ou de me mordre les doigts. Et surtout, ça me ramène à, justement, ma tentative de pas trop être FOMO dans la vie et pas juste dans le scrollage chez les murs des internets. Là, c'est aussi comme l'être dans la vie, genre, tu sais, hein? Prendre le moment présent puis apprécier de pas tout voir. Mais cette fois-ci, non, complètement raté. Et la raison pour laquelle j'étais choquée, c'est parce que j'étais à l'endroit le moins rock au monde pour ne pas voir Crabbe. J'étais... à mon cours de Zumba. Eh oui, mesdames et messieurs, Critique de Crowd à Zumba. Parce que cet hiver, j'ai décidé de prendre le forfait au Sepsum qui s'appelle Forfait à volonté, le plaisir de bouger. Qui comprend tout plein d'activités que je n'ai pas toutes faites, dont entraînement pio, ça c'est pilates yoga, l'entraînement size, ça c'est cardio et danse pop, l'entraînement insanity, ça je l'ai fait, puis yeah boy, là c'est comme un bootcamp, mais en moins violent, puis en moins genre, c'est des push-ups, tu sais, quand je dis moins violence dans ce sens-là aussi. Fait que un entraînement à intervalle aux 30 minutes, tu fais bien du cardio, puis de la musculation, puis moi je trouve que, je suis pas le groupe. Et sinon, body design avec des petits haltères et... Zumba, Zumba Step, Zumba, Aqua Zumba, plein de variétés de Zumba. Et oui, j'ai fait du Zumba de tout l'hiver. C'est pas rock du tout. Et j'ai manqué un crabe pour ça et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous en faire une merveilleuse critique de Crowd. Parce que par exemple, ça, j'en ai long à vous dire parce que c'est assez incroyable comme analyse qu'on peut faire de la Zumba. C'est assez inattendu. J'étais surprise moi-même de tout ce que j'ai vécu dans ces gymnases. Alors voilà, mais peut-être me direz-vous, justement, chers auditeurs de la marge, mais qu'est-ce que la Zumba, Jolène? Je viens à ta rescousse. Je t'explique ça après la musique. Parce qu'on s'en va en écouter du crabe. Puis c'est pas pour rien que je fais du sport, c'est justement parce que sûrement que j'aime trop la pizza, puis le beurre, puis la mayo. Fait qu'on s'en va écouter vraiment ma pointe de pizza. Thank you. agissons bien. Ouvrir son cœur aux gens qui tendent la main. J'espère que toi, tu y étais sur la scène du Lion d'or pour Crabbe et que tu t'es fait aussi descendre de la scène parce que paraît-il que, que l'équipe du Lion d'or était un peu inquiète qu'il y ait autant de gens sur la scène. Enfin, que de patinage que je pourrais peut-être rapporter un spécial des francs couvertes. C'est à suivre parce qu'on est en spécial de tout plein de Z avec la Zumba. Ouh! Hey, j'avoue que c'est un peu par accident que j'en fais parce que ça faisait partie du forfait puis ça donne comme à des moments que j'ai de libre d'envie. Fait que j'ai plongé dans la Zumba et en même temps, oui, je me demandais où c'est que ça vient. C'est pour ceux qui savent pas du tout c'est quoi. Oui, c'est de l'entraînement physique qui est assez complet, là, fait que ça touche autant le cardio que le musculaire, l'équilibre, la flexibilité et surtout, ça mélange de la danse latine, la salsa, le merengue, le reggaeton. Oh que oui! Mais aussi, dépendamment des professeurs, parce qu'ils ont quand même leur touche de créativité, là, je trouve qu'on ressemble beaucoup leur personnalité à travers leur chorégraphie, ben, il peut avoir des petites touches de Bollywood et même de pantomime. Sur ce, le créateur de la Zumba, il s'appelle Alberto Beto Perez. Ça existe depuis les années 90, mais ça a été popularisé seulement dans les années 2000. Ça a été créé dans les années 90 et ben, le gars, c'est un prof de fitness aérobie et oh, l'anecdote, c'est savoureux. Mais écoute, il avait oublié sa cassette. Déjà, on est dans les années 90, fait que, sa cassette. Il avait oublié sa cassette d'aréobie. Il avait juste sa cassette de musique latine. Fait qu'il avait décidé d'improviser son cours d'aréobie sur de la salsa. Boum! La Zumba est née. Elle est née, mais elle n'est pas encore commercialisée. C'est surtout ça qui m'étonne de tout l'engouement de ce sport. C'est que c'est hyper... c'est une grosse marque. C'est une grosse marque. Il y a le linge Zumba que les profs portent. Il y a trop d'accessoires Zumba. Et surtout, c'est vraiment tout plein de coups. Et en passant, c'est ça, ça a été popularisé comme quand même plus dans le début des années 2000 aux États-Unis. C'était une des fois, parce que voyez-vous, Alberto, je pense qu'il voulait vivre son American Dream, mais c'était comme plus qu'une fois qu'il allait aux États-Unis et que ça aboutissait à jamais. Puis c'est une fois dans un des cours de Zumba qu'il y a une des élèves qui, son fils était un entrepreneur, que ses enfants non plus allaient pas bien. Et c'est en se réunissant, Alberto Beto et Alberto, et c'est tout des Alberto dans l'anecdote, je suis à le dire, là, mais c'est Perlman et l'autre c'est un Alberto Alguio. Et là, à trois, ça a été inventé le Zumba Fitness. Alors il aura fallu beaucoup d'hommes d'affaires derrière la chose pour que autant de gens dansent aujourd'hui, parce qu'il élève à des millions genre de danseurs de Zumba à tous les jours qui exercent ce sport, cette danse. Et quand je dis grosse compagnie, oui, les accessoires, mais au-delà de ça, tous ceux qui sont instructeurs de Zumba, d'après Wikipédia, des valeurs sûres, bien, ça coûterait genre 200 puis 300 piastres obtenir une licence, puis genre pour s'abonner au réseau des instructeurs de la Zumba, c'est comme 50 piastres par mois. Je capote un peu. Moi, je pensais que le sport, c'était pas comme des droits d'auteur, je sais pas, comme en musique, genre, c'était libre. Mais non! Fait que ça a beaucoup de... d'idées préconçues que j'avais sur le sport, tu sais, me disaient comme le soccer ou le football, tu sais, ça appartient à personne. Enfin, j'espère. Enfin, la Zumba, c'est toute une histoire. Je trouve ça quand même intéressant et je suis heureuse de vous la partager. Et aussi, non, ce n'est pas que de l'aréobie, comme le chante André, aréobie, un exercice. S'est envolé en aérobie. Je sais pas toi, Crowd, mais moi, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas écouté André et l'album, carrément, les derniers modèles de la mode masculine, mais aussi la chanson Harry Obi, un exercice que nous venons d'entendre sur les ondes de CISM. Mais oui, d'écoute critique de Crowd, puis écoute, je suis encore... rempli d'émotions de vivre la Zumba. Parce que c'est pas terminé. La saison est pas terminée, je tiens à te le dire. Là, les inscriptions pour le printemps sont à partir du mois d'avril, 3 avril, mettons, ou 4 avril. Va voir sur le site du CEPSUM si ça t'intéresse. Parce que, oui, je crois que je vais pouvoir bien te partager cette nouvelle presque passion. Mais c'était pas du tout le cas au départ. C'était frate. Hey boy! Déjà, je suis pas une habituée du gym. Mais j'avais un doute sur l'habillement. Déjà, de ne pas être en Doc Martens, c'était déjà C'était déjà un départ, ce qui est tout le temps ma base en spectacle pour pas finir avec plus d'orteils. Mais non, on sort nos baskets, mais pas tant notre linge mou, pas tant ton gilet laid. Genre moi, mon gilet le plus laid que j'ai dans mon garde-robe, c'est... Oh mon Dieu, c'était le concours des jardins, puis ils font même plus, c'est tellement triste, un concours de dessin. Et moi, j'avais gagné l'année que c'était « C'est la fête ». Il était tellement grand, j'avais comme 7 ans, là, puis maintenant, il me fait, là, 20 ans plus tard. Fait que, ouais, ça, c'est mon gilet le plus laid. Et tu vois, je pense que j'aurais un peu détonné parce que ça m'a marqué. Ça m'a... Je trouve ça encore épatant ou perturbant que les gens sont autant grillés de façon professionnelle pour faire du sport. C'est aérodynamique, c'est moulant, c'est lulu-mélémon partout, là. Pourquoi? Je sais pas, mais à quel point tu t'entraînes beaucoup dans la vie? Peut-être que... Puis c'est la perception que j'ai eue, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est par rapport à l'énergie que les participantes donnaient, mais est-ce que l'habillement est comme une forme d'automotivation? Juste le fait de t'habiller en conséquence d'être plus sportive, de plus te donner, d'avoir du beau linge, ça donne le goût d'être... Ouais, de tuer plus puis de donner plus. En tout cas, je sais pas, mais pour moi, ça me frappait beaucoup. Je me disais que pour bouger, t'avais pas besoin d'un uniforme. Et ouais, je trouvais ça frappant. C'était uniforme dans les, autant au figuré que ouais, que littéralement, tu sais, tout le monde se ressemblait. Tout le monde avait des kits à peu près par égal. En tout cas, je détonnais pas trop, mais... L'autre point qui m'a fait beaucoup d'effet, on rentre dans la salle et c'est d'un extrême silence. À peine ça chuchotait. C'est sûr que d'un cours à l'autre, là, je vous fais un aperçu un peu général. Disons, au début de la session, oui, je pense que c'est encore plus silencieux. Mais aussi, ça peut dépendre d'un cours à l'autre parce que autant il y a beaucoup de personnes qui vont prendre les cours seules que sinon, ça va être en duo. Puis ça parle pas fort parce que, tu sais, souvent t'es deux, fait que tu chuchotes. Mais là, voyez-vous, le dernier que j'ai pris, il me semble que les gens étaient plus... ouais, plus détendus, c'est un peu plus amical comme ambiance. Mais je te dis, dans les premiers cours, j'étais vraiment surprise à quel point c'était d'un silence, là. Mais je veux dire, le gym, peut-être que pour certains, c'est le sanctuaire de l'entraînement physique, mais là, je me croyais vraiment à l'église. Genre... tu sais, surtout, il y avait un petit peu d'écho, fait qu'identique. Et aussi, comment les gens étaient comme... à équidistance dans la salle, mais pas en train de se réchauffer. Non, mais il semble que musculairement, tu te dégourdis avant que ça commence. Non, vraiment piquette ou même des fois encore prise sur leur cellulaire parce qu'on décroche jamais. Ouais, c'est ça aussi, je trouvais ça quand même impressionnant. Par contre, référent que je vois et que je revois dans la foule, en spectacle, qui se passe souvent plus comme... la distance entre le stage et la foule. Cette fois-ci, c'était des trous dans la crowd. Ben oui, parce que soit c'est en avant, justement, comme en spectacle, soit c'est au centre, là. On dirait que la crowd, c'est comme un gros beignet, tu sais, il y a un gros trou dans le centre de la salle. Parce que c'est vrai, puis moi-même, au départ, j'ai décidé de pas m'y fier. Je voulais bien voir la prof, même si elle est installée sur un stage. Je me suis dit, je vais aller plus en avant pour être certaine de bien voir les mouvements où je vais me mettre au centre. Comme ça, encore une fois, j'ai la meilleure vue pour répéter les mouvements. Mais à la longue, est-ce la gêne à moi-même qui m'a envahi? Mais peut-être qu'on a peur d'exhiber notre maladresse. Et je crois fortement que c'est ça. Là, je veux dire, t'es le spot, tu sais, dans l'angle pour voir le prof, mais aussi... aussi par les autres qui prennent le cours. Je dis les autres et je crois que pour une des rares fois critique de crowd, je pourrais féminiser complètement mon propos crowdien parce qu'il y avait que des filles, que des filles. J'allais dire je comprends, puis en même temps pourquoi, je veux dire, il y a plein de gars qui aiment la musique pop, je veux dire, il y a beaucoup de référents, à la musicalité pop, à la culture pop, la danse latine, je veux dire, c'est de la danse en duo, qui danse avec des garçons. Enfin, allez-y garçons, allez-y, allez vous dégourdir le fessier, le restant de votre body à la Zumba, ce serait fort agréable. Moi j'aime bien, autant que je veux plus de filles dans le mosh pit, autant que je veux plus de gars à Zumba, tu sais. Pour moi, c'est des activités qui sont asexuées. Je comprends pas pourquoi. Ben ouais, vous êtes la bienvenue. Et sinon, ben écoute, je t'ai parlé du stage parce que justement, contrairement à peut-être d'autres exercices physiques en groupe, oui, il y a un miroir dans la salle, tu sais, ils vont pas le décrocher, mais on n'est pas devant le miroir. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut pas avoir non plus certains réflexes de vouloir se regarder, d'être gêné. On va être peut-être gêné pour soi, d'où le fait que ça peut être étonnant, oui, qu'il y ait autant de trous très spécifiques dans la foule, parce qu'en même temps, tu peux très facilement pas te préoccuper des autres. Ce qui sera le gros point crowding à suivre, parce qu'on s'en va écouter de la musique, et je me dis que c'est pas physique, c'est électrique, c'est quand même dadon de l'écouter, Robert Charlebois, mais oui, une version remixée par Poirier. Apprécié ce remix de Poirier avec la chanson. C'est pas physique, c'est électrique. Remix de ça qui est plus précisément, mais qui est sur l'album Tout est gratigné de la direction de Poirier. Et ça en fait des DJ sur un même album, tout ça. Mais c'est aussi à la base une chanson de Robert Charlebois. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd. En ce spécial, tout plein de Z parce que je te jase de Zumba. Zumba. Et je sais que c'est parce que je regarde le spectacle d'un certain angle. Je sais pas si c'est ça aussi qui a fait que j'ai regardé la Zumba d'un certain angle. Parce que déjà en partant, on est dans une salle et il y a un stage. Je sens le spectacle qui n'y aura pas lieu en quelque sorte et qui en même temps... Non, tu sais, je veux dire, c'est de l'exercice physique. Il n'y a pas de notion de représentation ni de... On n'est pas dans une notion de spectacle, mais il y a quand même un stage puis un rapport entre un groupe et une personne sur scène. Je trouvais ça déjà je trouvais qu'il y avait des liens dans mon cerveau de critique de crowd. Mais je crois qu'il y aura surtout une ambiance de club, d'abord et avant tout, parce que... ça a été quand même une surprise. J'étais comme, OK. Parce que la professeure, elle tamise les lumières. Bon, déjà, ça nous permet, je sais pas, de moins se regarder. Fait qu'on est concentré sur notre fort intérieur. Mais pas juste ça. Elle a des espèces de lampes qui... une lampe sur pied qui est comme une espèce de boule disco arc-en-ciel qui tourne. Fait qu'il y en avait comme quatre dans chaque quatre coins de la salle. Alors, on se croyait vraiment dans une discothèque. Je me disais, hey boy! Et c'est là aussi que la musique embarque. Et là, des référents que... Je réalise aussi, en avant suivi les internets, qu'il y a beaucoup de chansons qui sont communes dans le domaine de la Zumba, là, parce que soit il y a déjà des chorégraphies qui sont sur YouTube, ou juste des chansons qui sont vraiment souvent utilisées comme Confident de Demi Lovato. Déjà, je savais pas trop c'était qui Demi Lovato, à part les publicités dans le métro. Déjà, je pensais pas que, tu sais, Demi, il y a juste Demi Moore, je pensais, en tout cas. Bref, ils sont deux à s'appeler Demi dans la vie. Puis, hey, cette tune-là est tellement puissante, je veux dire, t'as envie, genre, de... Ah! J'ai écouté le vidéoclip, puis genre, il y a une voiture qui fonce dans un mur, mais quand tu danses la Zumba là-dessus, genre, t'as envie de défoncer aussi des murs. T'es comme, ah, je suis puissante, je suis une femme affirmée, yeah! Non, mais c'est... C'est fou! Comment? Oui, c'est des choix de chansons, tu sais, très pop, là, pour en nommer d'autres. Il y a Shaky Shaky de Daddy Yankee, il y a Mijente de Willie William, il y a du Jason Derulo. Mais les temps, tu sais, les temps sont marqués, puis ben oui, ça aide à danser, mais les temps sont forts, fait que je sais pas, il y a quelque chose comme... Tu te sens rempli, ton orgueil, il est fier de toi. Oui, ton orgueil est fier de toi. Même si tu fais les mouvements tout croche. Non, là, c'est le moment que ça dérape un peu, t'es un petit peu moins fier de toi. Oui, mais reste que oui, je trouve ça particulier comment... Ouais, peut-être c'est ces choix musicaux-là, ou peut-être aussi leurs artistes, parce que, tu sais, Shakira, Beyoncé, je sais pas à quel point ils en ont joué, mais la façon que la chorégraphie était présentée, je te jure, crowd, moi, je me pensais en même temps être Beyoncé puis Shakira, pas une ou l'autre, les deux en même temps. Il y a quelque chose de très... il y a quelque chose de très puissant, peut-être aussi par les décibels, parce que la musique est extrêmement forte. Mais ouais, tu te sens comme une diva. Puis oui, tu te sens peut-être aussi un peu dans un club, mais je suis jamais allée au Club à Cabana, là, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche de ça et qu'on sent un petit peu moins près du sepsum. Par contre, je te parle, de la scène du groupe... Et contrairement à un spectacle, ben, tu sais, c'est pas juste elle qui fait le show. Tu sais, on répète les mouvements qu'elle nous fait. Et ça reste quand même une relation unidirectionnelle. Tu sais, elle fait les mouvements pour que nous autres, on les répète de façon presque simultanée. Par contre, il y a une interaction incroyable, insoupçonnée dans la Zumba. Et ça s'appelle le langage sous-spécifié. Voyez-vous, le langage sous-spécifié, crowd, ça, c'est quand, mettons, il y a une mitaine à terre dans le métro, puis là, tu veux dire à la personne que, hey, ta mitaine est tombée. Fait que tu y cognes sur l'épaule et tu y pointes. Quand tu pointes sa mitaine, tu viens de faire du langage sous-spécifié. Et ça, c'est vraiment magique parce que c'est très, très humain. Déjà, c'est comme on communique en très peu de termes et déjà de façon non-verbale une information que tout le monde va avoir saisie et qu'en même temps, pointer du doigt, tu peux faire comme bien des affaires. Tu peux pointer le ciel, tu peux juger du monde, tu peux dire « Hey, t'as oublié ta mitaine. » Et dans la Zumba, c'est que ça! C'est fantastique! Parce que ça te permet de dire « Hey, attention les filles! » Le prochain mouvement, et il va être différent parce qu'elle va avoir pointé son pied, parce qu'elle va avoir... Oh, il y en a une, elle clapait souvent des mains. J'avoue que des fois, entre le langage sous-spécifié puis genre la danse, ça reste quand même du mouvement, genre du mouvement. Je trouve ça fascinant qu'on puisse aussi facilement faire la distinction, mais c'est pas comme... c'est pas genre... C'est pas un absolu, là, tu sais, ça se peut que tu te trompes aussi. Fait que quand elle clapait des mains, j'avoue qu'à une couple de reprises, je pensais aussi qu'il fallait clapper des mains. Parce que oui, il y a quand même différentes formes de participation. Hey, je te dis, quand je dis participation, il y en a même une, là, elle me faisait crier en même temps de faisant des mouvements. Je sais pas si ça aide à extérioriser quelque chose ou juste... juste lâcher son fou, parce que il y avait ce point-là aussi qui n'est pas dans le langage non spécifié, là, je tiens à dire. C'est juste que les moves, des fois, ils sont rigolos. Tu sais, oui, il y a de la salsa, il y a du reggaeton, mais il y a vraiment des bouts que... C'est juste du mime. On tirait du gun. On tirait du gun imaginaire. On donnait des bisous. On a fait... Oh mon Dieu, on se prenait comme pour des mannequins. On faisait des catwalks. Puis après ça, on reculait en sautant. On maniait le lasso. Puis on a conduit un cheval. Oh oui, conduire, Jolene, conduire. Et il y en a... Je crois que le mouvement le plus drôle pour moi, parce que je me dis que je suis la seule à l'interpréter de même, c'est quand tu fais des mouvements de haut en bas avec tes bras. Mais j'avais l'impression de... J'avais vraiment l'impression de traire une immense vache imaginaire. Mais je sais que ça m'appartient juste à moi. Risque que je trouvais que la Zumba était remplie de... Ben oui, de mimes et d'aspects beaucoup plus ludiques qu'on pourrait croire. Et même, je vous ai parlé tout à l'heure de l'esprit de confiance en soi. Je sais pas à quel point ça peut avoir atteint toutes les filles qui participaient à l'activité. Mais dans un autre cours, la prof, ça faisait beaucoup des mouvements. Je sais pas, comme je m'en lave les mains, mais jusqu'au coude, tu sais, t'es comme, ah, tant pis les garçons, je vous abandonne. Et elle faisait, oui, des mouvements de recule-toi, dégage. On dirait qu'il y a beaucoup d'affirmations de soi qui se faisaient à travers les mouvements. Et peut-être que oui, dans mon analyse de fille qui va tout en rose, je vois pas comme une biche qui est comme, tasse-toi, mais plus comme, je m'affirme, tasse-toi, je suis grande, je suis forte. Fait que je trouve ça, non, je suis sûre que ça a un impact sur... notre confiance en soi. Tu ressens fort quand tu sors de la Zumba. Sauf, comme je dis, sauf quand tu fais les mouvements tout croche. Parce que c'est... Hey boy. Je crois qu'il y a aussi ça qui est intéressant dans la compréhension du mouvement. Parce qu'on est toutes là, toutes ensemble, dans la foule de participantes. Puis on a chacun notre niveau de connaissance en danse. Puis oui, je trouve vraiment que celles qui ont pris des cours de danse latine devaient déjà avoir une avance sur toutes les autres. Parce qu'au final, tu sais, essayer de comprendre le mouvement que quelqu'un d'autre fait, il y a déjà comme ta capacité de mémorisation. Eh boy, pas dans mon cas. Mais vous savez comment comprendre tout simplement le mouvement dans l'espace. Je vous dis ça parce que... C'est sûr que mon orgueil n'était pas à mon meilleur quand je faisais de la dyslexie de corps. Tu sais, comme des fois, j'ai l'impression que si mon coude pouvait aller dans l'autre sens, je l'aurais faite. Ou juste faire le mouvement à l'envers. Et en soi, des fois, c'est vrai que ça peut déjà porter à confusion puisque le prof est devant toi. Est-ce que tu dois agir en miroir ou, tu sais, comme faire une translation, genre? Fait que tu sais pas trop dans quelle optique. La plupart du temps, c'est en miroir. Fait qu'en même temps, il faut quand même que tu fasses la différence entre le mouvement qu'elle fait et comment toi, tu devrais le reproduire. Et rentre en compte, comme je disais, avec les capacités. Peut-être que certaines ont, dans d'autres domaines, la capacité de le reproduire avec facilité, le mouvement. Et ensuite, ta capacité de le reproduire avec énergie. C'est quoi l'intention que tu veux mettre à l'intérieur de ton mouvement? Est-ce que tu donnes ton 110 %? Est-ce que tu donnes ton 80 % ou tu donnes ton 50 %? Tu sais, ça dépend aussi de ta volonté dans tout ça. Ce qui fait en sorte qu'il y a comme... Il y a une non-interaction avec la foule, mais tu vois quand même le rapport que les autres ont envers eux-mêmes et avec le sport qu'on est tous en train de faire en même temps. Et aussi la disposition qu'on peut avoir dans la foule. Il y avait même une prof une fois qui disait, parce qu'on peut prendre le cours un peu n'importe quand, t'es pas dans l'obligation de suivre les 10, par exemple. Et elle disait, vous pouvez, par exemple, suivre celles qui sont en avant si vous comprenez pas tel ou tel mouvement, ils connaissent bien les chorégraphies. Et... Eh ben, il aurait pas fallu qu'il m'imite dans mon cas. Fait que c'est là aussi qu'il rentre en compte la disposition de où tu es dans la salle. Parce que oui, tu peux être jugé par les autres pour être pris en exemple, qui donne aussi une importance d'être dans la foule, parce que tu pourrais aussi faire juste de la Zumba dans ton salon, mais que dans ce cas-ci, ben oui, c'est pour pouvoir mieux faire le mouvement, tandis que si t'étais seule, tu t'en foutrais un peu. Et moi-même, à pas être capable de faire tous les mouvements avec précision, j'ai l'impression que ça a eu un impact sur... disons, comment j'ai pu forcer de mon beau petit cœur, dans le sens où, des fois, à pas comprendre un mouvement, je le faisais moins fort, moins intensément, ou juste pas du tout. Ce qui fait quoi? Tu vas juste moins te donner à l'exercice, tout simplement par incompréhension. Ah! Ah, mon Dieu, mais on dit pour moi, ça me rappelle, c'est vrai, les danseurs professionnels, tu sais, ils ont un cerveau pour comprendre rapidement les mouvements puis s'en souvenir, puis ça me rappelle à chaque fois, hey, que je l'ai pas pantoute, même de façon ludique comme la Zumba, mais reste que, tu sais, ça, tu te dis, tu t'en fous, puis tu vas juste faire le mouvement comme tu veux, quitte à ce que quelqu'un pense t'imiter parce que t'es trop en avant puis tu fais n'importe quoi, ou t'essaies de bien faire, mais tu deviens trop cérébral puis t'es plus dans ton corps. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Fait que faites pas comme moi, allez à tous vos cours de Zumba au lieu de comme ben, de butiner d'un cours à l'autre, parce que j'ai essayé Zumba Step, Zumba, Zumba partout. Fait que ouais, des fois, la répétition doit sûrement... doit clairement aider là, pour que tu puisses mieux catcher ta danse, parce que sinon c'est ça, t'es comme pris entre ta tête et ton corps, puis tu t'en tires moins de plaisir, parce qu'au final c'est vrai que ça reste une activité très individuelle. Tu peux y aller avec ton ami, mais tu danses pour toi, puis la chorégraphie se fait pas en duo. Au fac, t'es mieux de donner ce que t'as envie de donner aussi, hein, parce que j'ai dit donner son maximum. Je crois que c'est l'intention aussi quand tu prends une activité sportive là, de suer un peu, mais toujours avec ce qu'on est déjà capable de donner avec son petit corps. Sur ce, ben écoute, non, on va pas écouter du Demi Lovato sur les ondes de CISM, parce que anyway, j'ai pas le droit, on va se le dire. Ah! C'est pas très CISM. Mais après ça, j'avoue que j'ai eu bien de la difficulté à trouver de la musique très, très, très, très, très, très, très, très pop. Et ce que je considérais de bien pop qui y est dans la discothèque de CISM, c'est Qualité Motel. L'éveil des sens. Arabesquine d'essence. Sur de la nuit. Pire vient pire. On va pas dormir. Communiquer avec ton corps. Sortir de ton confort. Veux-tu danser avec moi? Let's go. S'exprimer dans la danse. Tu es toi-même. Communiquer avec ton corps. S'exprimer dans la danse. Tu es toi-même. Jusqu'à l'aube. Danse. Quand tu danses. Baiser la danse. Quand tu danses. Il vendait des courriers bien faits. Quand tu danses. Quand tu danses. Let's go. Quand je danse, quand je danse. sens-tu la chaleur? Veux-tu que je m'attunule? Oh, sens-tu la chaleur sur les ondes de CISM avec Qualité Motel et la chanson arabesque et Indécence. Voilà déjà la fin de ce spécial avec plein de Zumba. Hey, si jamais tu as des anecdotes toi-même de Zumba, n'hésite pas à les partager à Critique de Crowd sur son courriel, sur Facebook, sur toutes les manières possibles et imaginables de communiquer. Et sinon, tout spectacle aussi que tu peux me suggérer, ça me fait toujours très, très, très, très plaisir de recevoir tes suggestions, Crowd, parce que je t'aime beaucoup. Et oui, c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de Crowd. Bye bye. CISM vous invite à la 8e édition de la cabane Panache et Boiron à Verdun. Au menu du plus gros party de Boisville, des gros bûcherons, une fermette, la tire, du fendage de bois, une programmation musicale de feu, la bouffe de rue style cabane et des alpagas. Après un week-end sur leur camp de bûcheron, le vieil adage Verdun, c'est bien loin! Va passer dans le tordeur. Panache et Boiron du 22 au 25 mars à Verdun. Garantie le soin, aucun. 5-14-25, propulsé par Commotion, agitateur de culture, en collaboration avec Desjardins, présente Rhymes et Larry Kidd à Laval. Viens vivre une soirée en compagnie de deux étoiles du rap québécois. Rhymes, véritable bête de scène, présentera son deuxième album acclamé par la critique Petit Prince, alors que Larry Kidd, anciennement de Lord Larry Adjust, interprétera les chansons issues de son tout dernier album sorti en février 2018, Contrôle V2. Rhymes et Larry Kidd le 14 avril en spectacle à l'annexe 3, située à deux pas du métro Montmorency. Réserve tes billets via co-motion.ca dès maintenant. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. C'est la grande vente de M0851 du 23 au 25 mars au 5555 avenue Casgrain, angle Saint-Viateur. Jusqu'à 70% de rabais. Pour info et voir tous nos produits, visitez le m0851.com. L'Homme de l'île est un film qui offre un regard sur un guide de chasse insulaire et la puissance de son univers. Il dépeint une longue et belle relation entre Gilles Gagné, un homme d'une intelligence et d'une sensibilité terrienne, et d'un grand maître, Jean-Paul Riopel. Ensemble, ils chassent, ils sirotent et surtout, ils discutent. Tandis qu'un redécouvre la beauté de son monde à l'île aux oies, l'autre s'en inspire pour créer des œuvres d'art. L'Homme de l'île à l'affiche dès le 23 mars à la Cinémathèque québécoise. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Le char de marge, les dimanches entre 18 et 20 heures, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à ta tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge, les dimanches, dès 18 heures. Diplômés, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez cepsum.umontréal.ca pour tous les détails et inscrivez-vous dès maintenant. Vous écoutez CISM 89.3 FM. On s'en va écouter un show de radio. Ça s'appelle...